Actually, I'm going to talk about the 8 goals of developing the controlling faculties, which is patience and perseverance. Aujourd'hui, je vais vous parler de la huitième cause de développement des facultés de contrôle, la patience et la persévérance. Si vous pratiquez en faisant preuve d'un effort héroïque, sans aucune considération ni pour le corps ni pour la vie, vous pourrez développer l'énergie libératrice, celle qui va vous permettre de franchir successivement toutes les étapes de connaissance vipassana et atteindre les stades avancés de la pratique. Une telle attitude courageuse constitue non seulement la septième, mais également la huitième cause pour le renforcement des facultés de contrôle. Comme je viens de le mentionner, il s'agit donc de la patience et de la persévérance. Tous les yogis connaissent bien les sensations désagréables qui peuvent se manifester au cours d'une séance de méditation. Ils connaissent également la souffrance mentale, la réaction à ces sensations. Et en plus de cela, il y aura la résistance de l'esprit à être contrôlé, comme il se doit lorsqu'on pratique. Une heure de méditation en posture assise va exiger un gros travail, un gros effort. Il faudra d'abord que vous mainteniez votre esprit sur l'objet primaire le plus longtemps possible. Ce contrôle que vous imposez à l'esprit va lui apparaître comme une menace, car il est habitué à vagabonder librement. Le fait de maintenir l'attention va donc devenir une tension. Cette tension mentale, ce contrôle, est une forme de souffrance. Lorsque l'esprit résiste ainsi, le corps va tout de suite réagir et des tensions vont apparaître. En très peu de temps, vous êtes assiégé par les sensations désagréables. Il y a donc tout d'abord cette résistance initiale de l'esprit, ensuite il y a cette souffrance qui va apparaître dans le corps. Votre esprit est tendu, votre corps est tendu également. Vous perdez patience, vous n'arrivez plus à observer la sensation douloureuse directement. Votre esprit est complètement dépassé. Il va même peut-être se fâcher. Votre souffrance est triple maintenant. Il y a donc d'abord cette résistance initiale de l'esprit. Il y a ensuite la sensation douloureuse physique elle-même. Et enfin, il y a la souffrance qui provient de cette souffrance physique, la souffrance mentale qui vient de cette souffrance physique. C'est le moment alors d'appliquer la huitième cause pour le renforcement des facultés de contrôle, la patience et la persévérance. Essayez d'observer cette douleur au centre même de la sensation. Si vous n'êtes pas préparé, décidé à affronter la sensation douloureuse de façon patiente, vous laissez ouverte la porte ouverte aux kilesas, comme l'avidité et la colère. Oh, je déteste cette sensation. Si seulement je pouvais m'en débarrasser et retrouver le confort que j'expérimentais il y a 5 minutes. Si la colère et l'avidité sont en vous, s'il n'y a pas de patience, l'esprit va devenir confus également. Il ne verra plus les objets clairement. Et vous êtes incapable de comprendre la véritable nature de la douleur. Vous allez penser alors que la sensation douloureuse est une épine, un empêchement dans votre pratique. Vous pourriez en arriver à changer de posture pour mieux vous concentrer, entre guillemets. Si ces changements de posture deviennent une habitude, vous perdez toutes vos chances d'approfondir votre pratique méditative. Le calme et la tranquillité d'esprit proviennent de la tranquillité du corps. Les mouvements que vous seriez amené à faire constamment sont la meilleure façon de vous voiler la véritable nature de la douleur. La sensation douloureuse est là, juste devant votre nez. C'est l'objet prédominant, mais vous bougez votre corps de façon à ne pas la voir. Vous perdez ainsi une occasion merveilleuse de comprendre en quoi consiste réellement la sensation douloureuse. En fait, nous vivons avec la douleur depuis que nous sommes nés sur cette planète. Elle nous a été très proche tout au long de notre vie. Pourquoi cherchons-nous à l'éviter? Si la douleur se manifeste, apprenez à l'observer et à la voir comme une occasion très précieuse de comprendre correctement quelque chose qui vous est familier, de comprendre cela différemment et de façon plus profonde. Parfois, en dehors de la méditation, vous pourriez vous montrer très patient par rapport aux sensations douloureuses, surtout si vous êtes concentré sur quelque chose qui vous intéresse. Imaginons par exemple que vous soyez quelqu'un qui aime beaucoup aller sur Internet. Vous êtes assis sur votre chaise et vous regardez de façon très concentrée votre ordinateur. Vous lisez les nouvelles, vous lisez ce que d'autres ont écrit sur Facebook. Vous êtes assis là, sur cette chaise, depuis 2 heures, 3 heures, 4 heures, mais vous ne sentez aucune douleur. Votre esprit est totalement englouti dans Internet. Et si vous sentez de la douleur quelque part dans le corps, vous êtes certainement capable de l'ignorer jusqu'à ce que vous soyez arrivé au bout de votre lecture. Mais s'il est beaucoup plus important de faire preuve de ce type de patience lorsqu'on pratique la méditation, car elle développe un niveau de compréhension et de sagesse infiniment supérieur à ce qui se trouve sur Internet. Je vais parler maintenant des différentes stratégies pour gérer la douleur. Le degré de concentration et la vision de la véritable nature des phénomènes dépend essentiellement du niveau de concentration que l'on aura pu développer. Plus l'esprit est concentré, plus il pénètre dans la réalité et il la comprend. Et ceci est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de sensations douloureuses. Si la concentration est faible, nous ne pourrons pas vraiment réaliser l'inconfort qui est toujours présent dans notre corps. Mais lorsque la concentration commence à se développer, nous deviendrons conscients du moindre petit inconfort dans le corps. Ceci va devenir très clair. Il semblera agrandi à cause de la concentration. Les êtres humains sont très myopes en ce sens. S'ils ne disposent pas des lunettes de la concentration, le monde leur apparaît comme indistinct, flou. Mais lorsqu'ils mettent les lunettes de la concentration, tout devient clair et lumineux. Ce ne sont pas les objets qui ont changé, c'est simplement l'acuité de leur vision. Si vous regardez une gouttelette d'eau à l'œil nu, vous ne voyez pas grand-chose. Mais si vous mettez cette gouttelette d'eau sous un microscope, vous allez commencer à y découvrir toutes sortes de choses. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'activités dans cette gouttelette. Vous verrez toutes sortes de choses qui dansent, qui bougent. C'est un spectacle fascinant. Si en méditation, vous êtes capable de développer vos lunettes de la concentration, vous serez surpris de voir qu'il y a à l'intérieur de vous toutes sortes de choses qui n'en finissent pas de changer. Tout ceci va vous faire comprendre en quoi consiste la sensation douloureuse. Au départ, elle vous semblait insignifiante et quelque chose de statique. Plus la concentration est forte, mieux vous comprenez la douleur. Vous allez devenir de plus en plus intéressé parce que vous voyez de plus en plus clairement que ces sensations douloureuses sont en état de flux. Elles changent constamment. Elles augmentent d'intensité, elles diminuent d'intensité, elles fluctuent et dansent. La concentration et l'attention vont encore se renforcer, elles vont devenir puissantes. Par moments, il est même possible que vous voyez un spectacle fascinant et que subitement, de façon tout à fait inattendue, le rideau tombe et la douleur disparaît comme par miracle. Quelqu'un qui ne réussirait pas à faire preuve de courage et d'effort lorsqu'il est confronté à la douleur ne comprendra jamais le potentiel qu'elle possède. Nous devons donc développer un état d'esprit courageux, un effort héroïque lorsqu'on observe la douleur. Apprenons à ne pas la fuir, mais à l'observer en son centre. Lorsque la douleur se manifeste, la première stratégie consiste à diriger votre attention au centre même de cette sensation. Essayez de la pénétrer, d'aller jusqu'au centre. Voyez là cette douleur comme une simple sensation douloureuse. Observez de façon très attentive. Essayez d'aller au-delà de sa surface de façon à ne pas réagir. Vous allez sans doute vous efforcer ainsi d'observer la sensation douloureuse et cela va pomper votre énergie. Vous serez fatigué. La douleur peut exténuer l'esprit. Si vous n'arrivez plus à maintenir un niveau suffisant d'énergie, d'attention et de concentration, il est temps de prendre un certain recul gracieusement. La seconde stratégie pour aborder la douleur, c'est de jouer avec cette sensation. Vous l'observez de façon très pénétrante et ensuite vous vous relaxez un petit peu. Vous maintenez votre attention sur la douleur, mais vous diminuez l'intensité de votre observation. Vous l'observez de façon moins concentrée. Ceci va permettre à l'esprit de récupérer de l'énergie. Ensuite, vous retournez au centre même de la douleur de façon très concentrée. Et si vous vous sentez de nouveau fatigué, vous prenez de nouveau du recul. Vous faites cela des allers-retours 2 ou 3 fois. Si la douleur est encore très intense, que vous devenez tendu, malgré cette tactique, il est temps de vous retirer gracieusement. Mais ceci ne veut pas dire que vous allez déjà changer de position. Cela veut simplement dire que vous changez la posture de votre esprit, de votre attention. Vous ignorez complètement cette sensation douloureuse et vous dirigez votre esprit vers les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen ou quelque autre objet primaire que vous êtes occupé à utiliser. Essayez d'observer cet objet primaire de façon très concentrée, de façon à empêcher cette sensation douloureuse de pénétrer dans votre esprit. Nous devons essayer de surmonter la peur par rapport à ces sensations désagréables. Ce n'est que si vous faites preuve d'un état d'esprit héroïque que vous serez capable de surmonter la sensation douloureuse en comprenant sa véritable nature. En méditation, toutes sortes de sensations physiques insupportables peuvent se manifester. Presque tous les yogis voient très clairement l'inconfort qui a toujours été présent en fait dans leur corps. Mais cette fois, cet inconfort est agrandi par la concentration. Pendant une retraite intensive de méditation, il est très fréquent que d'anciennes maladies refassent surface, des traumatismes d'enfance, des maladies chroniques. Il est possible qu'une maladie récente devienne subitement plus sérieuse. Si cela vous arrive, dites-vous que la chance est avec vous. Vous avez l'occasion de surmonter et de vous guérir d'une ancienne maladie, d'une douleur chronique, grâce à votre effort héroïque, sans prendre aucun médicament. Beaucoup de yogis se sont ainsi totalement débarrassés d'anciens problèmes de santé par la pratique de la méditation uniquement. Je vais vous raconter une histoire authentique qui vient du livre de Sayadaw Upandita dans cette vie même. Il y a une quinzaine d'années, il y avait un homme qui souffrait de troubles gastriques depuis plusieurs années. Il alla voir son médecin qui lui annonça qu'il avait une tumeur et qu'il fallait l'opérer. L'homme eut très peur que l'opération ne rate et qu'il en meure. L'homme décida de se mettre à la méditation, ayant compris que la mort n'était pas loin. « Il vaut mieux que je me mette à méditer », se dit-il. Il alla donc voir Sayadawji pour lui demander s'il pouvait méditer sous sa guidance. À peine avait-il commencé à méditer que la douleur se manifesta. Au début, elle n'était pas encore trop intense, mais comme il progressait dans sa pratique et qu'il atteint vite le stade où les douleurs sont très claires, cette sensation devint une vraiment très intense, insupportable, c'était une véritable torture. Il expliqua à Sayadawji que cette sensation était devenue si intense, et Sayadawji lui répondit Bien sûr, vous êtes libre de rentrer chez vous et d'aller voir votre médecin. Mais pourquoi n'essayez-vous pas de rester encore quelques jours? Il réfléchit à la proposition de Sayadoji et décida de rester car il n'était pas sûr que l'opération serait un succès. Il se remit donc à la méditation. Toutes les 2 heures, il devait prendre un médicament. Parfois, la douleur l'emportait, parfois, c'était lui qui l'emportait sur la douleur. Ce fut une longue bataille, mais cet homme avait énormément de courage. Au cours d'une des séances, la douleur devint si forte que tout son corps se mit à trembler. Ses vêtements étaient mouillés de transpiration. La tumeur dans l'estomac devenait de plus en plus dure, de plus en plus tendue. Subitement, l'image de son estomac disparut alors qu'il était occupé à observer la douleur. Il n'y avait plus que la conscience et l'objet observé. C'était très douloureux, mais il était très intéressé par ce qu'il voyait. Il maintint son observation très attentive. Il n'y avait plus que l'esprit qui note et la douleur qui devenait de plus en plus forte. Il y eut alors comme une explosion. Le yogi expliqua qu'il pouvait même entendre le bruit de cette explosion. Après cela, tout était fini. Il se leva de sa méditation, constata que ses vêtements étaient tout mouillés par la transpiration. Il toucha son ventre, mais à l'endroit où il y avait une boule due à la tumeur, il n'y avait plus rien. L'homme était complètement guéri, et de plus, il avait mené sa pratique à son accomplissement, étant donné qu'il avait eu une percée dans Nibbana. Peu après, l'homme quitta le centre et Sayadoji lui demanda de le tenir au courant de l'avis du médecin à propos de son problème gastrique. Le médecin était très étonné de voir que la tumeur avait totalement disparu. Il dit à l'homme qu'il pouvait dorénavant abandonner son régime très strict qu'il avait été obligé de suivre pendant 20 ans. Jusqu'à présent, cet homme, ce yogi, est encore toujours en très bonne santé. Même le docteur lui-même devint un méditant vipassana. Sayaduchi explique qu'il y a un nombre énorme de personnes qui ont réussi à se débarrasser ainsi de maux de tête chroniques, de problèmes cardiaques, de tuberculose et même de cancer, de maladies considérées comme incurables pourvu qu'elles étaient prises à un stade qui n'était pas trop avancé. Toutes ces personnes ont dû endurer des sensations douloureuses intenses. Elles ont toutes fait preuve de persévérance et d'un courage énorme pour se guérir. Et qui plus est, plusieurs d'entre elles ont réussi à comprendre la vérité à propos de la vie à des niveaux très profonds, grâce à leur observation courageuse de la sensation douloureuse. Elles ont même réussi à faire une percée dans les connaissances profondes. Vous ne devriez pas être découragé si vous avez des sensations désagréables. Soyez au contraire confiant et patient. Persévérez jusqu'à ce que vous en arriviez à comprendre la véritable nature de ces choses. May you have faith and patience and persevere in your practice of vipassana meditation and progress well till you reach the ultimate truth. How do you make go? Sadhu, sadhu, sadhu. Puissiez-vous tous faire preuve de courage, de patience et de confiance. Puissiez-vous tous observer attentivement au cours de votre méditation vipassana et progresser jusqu'à l'atteinte du but final. Sadhu.